Le Père Noël n'existe pas, ta maman c'est une menteuse. Le Père Noël n'existe pas, ta maman c'est une vicieuse. J'ai plus le droit de venir jouer chez toi, parce que je t'ai dit la vérité. Mais toi tu me crois toujours pas, j'ai pourtant tout essayé. Je veux juste t'expliquer, je ne veux pas te blesser. Faut pas toujours croire les grands, car ils sont souvent méchants. Je voulais t'ouvrir les yeux sur les mensonges de la vie. Le Père Noël c'est comme Dieu, faut pas trop compter sur lui. Le Père Noël n'existe pas, ta maman c'est une menteuse. Comment fait-il en une seule nuit pour faire toutes les cheminées des enfants de toute la France et de ceux du monde entier? Tu me dis qu'il se fait aider par ces lutins si gentils. Je veux juste t'expliquer, je ne veux pas te blesser. Faut pas toujours croire les grands, car ils sont souvent méchants. Je voulais t'ouvrir les yeux sur les mensonges de la vie. Le Père Noël c'est comme Dieu, faut pas trop compter sur lui. Le Père Noël n'existe pas, ta maman c'est une menteuse. S'il existe, dis-moi pourquoi, y a plein de jouets à Carrefour. S'il existe, il est méchant, car c'est le plus gros concurrent de tous les supermarchés, car il propose la gratuité. Je veux juste t'expliquer, je ne veux pas te blesser. Faut pas toujours croire les grands, car ils sont souvent méchants. Je voulais t'ouvrir les yeux sur les mensonges de la vie. Le Père Noël c'est comme Dieu, faut pas trop compter sur lui. Le Père Noël n'existe pas, ta maman c'est une menteuse. Il exploite ses lutins, mais c'est lui qu'on aime bien. Il n'offre rien aux plus pauvres, il favorise les riches. Voilà la preuve, tout simplement, que c'est comme Dieu pour les enfants.